Voici une chanson qui parle de religion, malgré son nom, un peu trompeur, de la bière belge. Pierre pêche. Une abeille butine et transporte la vie et la foi qui l'anime. Je ne sais que penser, mais pour penser c'est plaire. Chacun sa liberté, chacun est dans le vrai. Une ruche résonne d'une musique qui, par rassembler les hommes, ont-ils raison ou non d'adorer un squelette? Le chemin est trop long et la vie imparfaite. L'abeille devient folle, la voilà qui s'envole pour piquer ses amis. Je ne suis plus d'accord avec sa politique, et pour lui faire un sort, je lui lance des piques. Avec sa politique, et pour lui faire un sort, il faudrait qu'on la pique. Je ne suis plus d'accord avec sa politique, et pour lui faire un sort, il faudrait qu'on la pique.